Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e déjà épisode de la mécanique des ondes. Trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles qui sont devant et derrière le micro. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit celles qui font la radio sont à l'honneur dans cette série d'été 2015 de la mécanique des ondes. Pour le deuxième épisode de cette série, j'ai le plaisir d'avoir en studio une journaliste multimédia qui accompagne nos dimanches soirs, une semaine sur deux à la télévision avec Zone Interdite et les milieux de journée la semaine en radio avec Europe 1 Midi, sur Europe 1 bien sûr. Bonjour Wendy Bouchard. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, une question traditionnelle oui. Dans cette émission. Vous êtes au micro d'une radio associative, j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Écoutez, étrangement non, je vais peut-être vous surprendre, mais j'écoutais peu la radio. Dans ma famille, on lisait beaucoup les hebdos. Alors mes parents avaient été inspirés par Europe 1 et abreuvés un peu du temps des barricades, notamment mai 68. Mais en réalité, j'ai découvert la radio très tardivement, moi. Alors voilà, je dénote et je détonne peut-être un petit peu. Je l'ai découvert en école de journalisme, au CFJ, et c'est là que j'ai découvert que c'était un média fabuleux et qu'il me correspondait mieux que les autres, peut-être. Alors, pourquoi avoir choisi justement cette voie du journalisme finalement? C'est venu tard. En fait, j'avais une mauvaise expérience du journalisme par le biais de la politique. J'ai suivi un homme politique dans ma vie sans jamais être encarté. C'était Philippe Séguin. Et puis, j'ai participé à sa campagne en 2001 à la mairie de Paris. Et j'ai vu ce milieu, cette connivence. Ils vont pas être contents, mais mes confrères et nos confrères journalistes politiques. Mais j'ai vu des choses qui m'ont pas plu à l'époque. C'est-à-dire des couteaux dans le dos, des petits arrangements entre amis, évidemment d'abord du côté des politiques, mais relayés aussi par les journalistes. Et ça m'a dégoûtée parce que j'ai vu cet homme qui était fatigué, qui avait été vraiment éprouvé par cette épreuve journalistique aussi et la manière dont la campagne avait été suivie par les journalistes. Et je me suis dit, jamais je ferai ce métier-là. Et puis ça m'a rattrapé, alors ça devait être au fond de moi probablement, lorsqu'à Sciences Po, j'ai répondu à une petite annonce de Paul Amar. Il cherchait des jeunes pour participer à son émission sur France 5, ça s'appelait D'un monde à l'autre, et il mettait en relation des jeunes de toute la société avec des invités. Et il m'a dit, tu sais, tu devrais continuer dans cette voie parce qu'il y a quelque chose en toi, elle a d'empathie, que de généreux dans l'échange, tu devrais creuser ça. Et je me suis découverte au fur et à mesure cette passion. Moi qui, quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de 15 ans, voulais être vétérinaire. Donc on était loin de ce métier-là. Mais ça m'a rattrapée quelque part. Vous aimiez déjà poser des questions. Ça, c'est possible. Oui. Donc du coup, oui, Sciences Po, vous faites donc Sciences Po. Ensuite, vous intégrez donc une école de journalisme. Exactement. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une voie royale aujourd'hui, mais c'est un peu plus simple quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas de personnes qui peuvent vous aider dans ce métier-là. Moi, je n'étais pas là-dedans. Ma maman travaillait avec mon père, ils sont photographes tous les deux, photographes publicitaires, dans l'alimentaire, donc rien à voir. Donc, bon, je me suis dit, d'abord, essayons de comprendre le monde qui nous entoure, puisque votre émission s'appelle La mécanique des ondes, il y a la mécanique du monde aussi. Et moi, j'avais besoin de m'imprégner un peu de cette société, de la percevoir pour poser justement des questions. Et ce que m'a offert Sciences Po m'a un peu déçue, je dois le dire, parce que je pensais que justement c'était un lieu Sciences Po où on débattait de tout, et une demoiselle qui est là et qui veut faire Sciences Po près de vous aujourd'hui, je veux pas la déconsidérer cette école, mais j'étais un petit peu déçue du manque de maturité de certains. Mais moi je voulais être plus mature pour faire ce métier-là. Donc Sciences Po m'a permis ça. Et puis ensuite Sciences Po c'est une très belle école, mais elle ne forme pas un métier, donc c'est une école de la vie aussi, qui enrichit sur différentes matières. Après se repose la question à la fin de Sciences Po, et c'est là que je me suis dit, bien, le journalisme, autant l'embrasser en passant par une maison, par une école qui vous permette de mieux comprendre le métier et de pouvoir avoir des codes. Donc j'ai passé les concours et j'ai eu celui du CFJ, le Centre de Formation de Journalisme, qui est ici à Paris, qui est une très belle école sur 2 ans, une première année assez générale et deuxième année qui permet de se perfectionner. Et donc j'ai choisi la radio en deuxième année. Alors pourquoi Wendy Bouchard? Pourquoi la radio? Parce que j'ai toujours fait du chant, moi j'aimais beaucoup le chant, j'avais un rapport avec la voix particulier, comme ça en groupe, en chorale, avec ma petite sœur, mais je trouvais qu'il y avait ce timbre de voix qui était intéressant, et puis la voix permet de communiquer des émotions, et puis ça fait rêver, et puis la radio c'est quand même un média de l'intime. Il y a guère que le journaliste presse écrite avec son calepin et son stylo qui peut être aussi dépouillé dans sa matière d'interroger l'autre. Donc voilà, la radio m'a plu aussi pour ça, pour cette facilité là et pour la possibilité de transmettre des émotions si facilement. Vous voyez, il faut un réalisateur, un micro, un journaliste, et puis on peut tout faire. Tout est possible à la radio. Donc ça m'a plu pour ça. Et pourtant, votre première expérience, elle n'est pas radiophonique, elle est télévisuelle. Oui, mais quelque part, c'est un coup du destin, peut-être. C'est ce qui m'a permis d'avoir un déclic. Si j'avais une petite annonce à la radio à Sciences Po, bien je l'aurais probablement accepté. La télé quelque part c'est bien, hein, c'est rare. La télé a permis de m'intéresser à la radio, vous voyez. D'accord. Alors en 2006, vous êtes lauréate de la bourse Loga. Alors tous les systèmes de bourse, j'aimerais que vous réexpliquiez, puisque effectivement la bourse Loga c'est la bourse Europe 1 Loga, et donc plusieurs radios mettent à disposition des bourses pour que des journalistes puissent intégrer en fait les rédactions. C'est ça. Alors c'est des possibilités de décrocher des contrats de 3 mois en général qui sont offertes aux candidats qui veulent passer ces concours-là issus des écoles de journalisme, des écoles reconnues. Donc nous étions 3 du CFJ à vouloir prétendre à cette bourse-là. Alors évidemment c'est toujours la guerre quand on termine les sessions dans les écoles de journalisme. Il y a le professeur, le maître de cette session qui dit bon bah voilà, j'imagine que Wendy elle a un peu plus le ton européen, il faut qu'elle fasse pas, que Guillaume va passer la bourse Radio France, que Xavier va passer la bourse Dumas qui est plus le ton RTL, donc faut choisir. Donc on choisit. Il y a une compétition. C'est vraiment moi j'ai passé ma vie à être dans la compétition, c'est pénible hein, parce que entre Sciences Po le concours, c'est la vie le concours. Donc là je me disais allez, c'est le dernier truc, puis après on va rentrer dans le monde du travail qui est aussi une compétition. Mais bon, donc voilà, j'ai choisi la bourse Europe 1 parce que c'est vrai que ce ton correspondait. Mes parents m'ont toujours dit, et en l'écoutant ensuite sur le tard, c'est une radio d'explication, c'est une radio aussi qui a fait le pont entre des générations avec des programmes très forts, très emblématiques, de Salut les copains à ce qu'on peut faire aujourd'hui entre l'info et le divertissement, mais qui est aussi une radio d'échange et d'explication ouverte et populaire. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce concours là et la bourse ça se passe en une journée hein. c'est on arrive au petit matin à 8h du matin, on fait une épreuve de flash, ensuite on tire au sort un sujet. Moi j'avais comme sujet la loi anti-tabac, je crois, et je suis partie faire le sujet au musée dans un petit musée du tabac, enfin un truc, voilà. Donc il fallait monter un petit sujet en 1 minute 30, le ramener à la radio, le faire écouter, et puis encore une autre série d'improvisation derrière le micro. Et à la fin de cette très longue journée, qui était vraiment une journée marathon, il y avait un premier écumage, et puis une sorte de grand oral, voilà, avec des grandes voix d'Europe 1, donc c'était tout très impressionnant. J'avais Jean-Pierre Elkabbach, Catherine Ney, et puis des reporters que j'écoutais, et puis le patron de la maison à cette époque-là. Et puis voilà, là on se jette un peu dans la fosse au lion. Et puis à 2h du matin, on a les résultats. Alors, c'est long. Il faut veiller. Mais voilà, j'ai gagné cette bourse qui m'a permis d'entrer dans cette maison pendant 3 mois. Et puis après, c'est intéressant que vous intéressiez aux femmes vous-même, parce que à l'époque, il y avait encore peu de femmes reporters et peu de jeunes femmes à Europe 1. Et Jean-Pierre Elkabbach, qui était le patron de cette direction, de cette maison, et le directeur de l'information, s'est dit bah la petite Bouchard, ça serait bien qu'on la garde un peu plus, puis ce serait bien qu'on la garde encore 6 mois pour l'envoyer peut-être au Festival de Cannes, parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes en culture, et puis voilà, et puis il faut renouveler les générations. Ça s'est fait comme ça, et puis au bout de 9 mois, j'étais intégrée dans cette grande maison, et ça fait 9 ans. Vous pourriez dire que vous êtes arrivée au bon moment Complètement, parce que d'abord je suis arrivée au moment où la bourse Loga permettait encore d'avoir 3 mois. Aujourd'hui, c'est un mois, c'est beaucoup plus précaire. Ils prennent pas 2 ou 3 candidats, mais 1. Enfin, c'est devenu très compliqué ce monde des médias pour y entrer. Et je suis arrivée aussi au moment où on se disait tiens, c'est une radio Europe 1 qui est qualifiée d'un peu macho, un peu trop masculine, où les femmes justement ne sont pas aux responsabilités, où il faut faire aussi grandir des gens. Et voilà, et je suis arrivée à ce moment-là où on avait cette opportunité. Et aujourd'hui, les patrons, d'ailleurs, l'utilisent un petit peu parce qu'ils disent « Wendy, c'est bébé Europe 1, quoi ». C'est vrai que je suis rentrée là et que c'est mon premier métier, c'est mon premier média et c'est ma première maison. Donc c'est vrai que j'ai grandi à Europe et ça fait 9 ans. Et 9 ans qu'ils disent bah c'est bien parce que voilà, elle a gravi les échelons quelque part sans partir, ce qui est aussi un titre de gloire pour certains. Wendy Bouchard, c'est le moment de votre première pause musicale. Alors pour la première pause musicale, vous avez choisi quoi ? J'ai choisi Initial Baby de Serge Gainsbourg. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que c'est d'abord c'est un lyrisme absolu parce que la Bardot de l'époque était sublime et je connais un peu la Bardot aujourd'hui que j'aime aussi malgré ce qu'elle peut inspirer de polémique, et parce que Gainsbourg est un poète et que c'est un homme que j'aurais adoré interviewer. C'est un des regrets de ma carrière parce qu'il est mort beaucoup trop tôt. Du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux. On entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot « Almeria ». Toujours dans la mécanique des ondes avec Wendy Bouchard qui a choisi comme première pause musicale Initial Baby de Serge Gainsbourg. Une blonde, Brigitte Bardot, ça peut faire penser à vous, hein, Wendy Bouchard finalement. Oh bah dites donc, quelle comparaison. Je ne voudrais pas que vous vieillissiez comme elle. Non, en tout cas, je ne retiendrai de cette chanson sublime, lyrique, symphonique, orchestrée incroyablement par Gainsbourg, que cette image de la femme comme ça fatale qui arrive, cette passion ravageuse qui les a conduits tous les deux à un amour fou de quelques mois, mais un amour fou, et qui l'a conduit lui à lui écrire des plus belles chansons d'amour, Je t'aime moi non plus. Et enfin voilà, je trouve que ce couple était sublime, et je connais un peu Brigitte qui m'a raconté cette passion fulgurante avec Serge Gainsbourg. Ils étaient tous les deux à la Madrague et ils lavaient leur vaisselle dans la mer parce qu'ils vivaient dans un cabanon et cachaient des photographes et cette espèce d'interdit de l'époque. Enfin, ça évoque beaucoup de choses. Je trouve que cette chanson est très belle, quoi. Très très belle. Alors, on revient à vos débuts à Europe 1. Au final, au cours de la saison 2008-2009, vous alternez reportages, chroniques dans la matinale, entre autres, oui, avec Marc-Olivier Fogiel. Vous faites finalement un petit peu plus de culture, plus que de politique. C'est vrai. Pourquoi ? Alors, on m'a proposé à un moment donné la politique, mais pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, j'ai été un peu échaudée d'une part. En plus, je pense que le journalisme politique est vraiment une science en soi et que si on décide de prendre cette voie-là, ben on y reste et il faut une culture politique et donc être durable aussi dans ce milieu-là. Donc, j'aime beaucoup la politique et je m'y intéresse par la force des choses aussi au quotidien et j'ai un tropisme politique, comme on dit, ça c'est sûr. Il faut que je fasse attention parce que ça ne plaît pas à tout le monde et surtout dans ces périodes-là. Mais voilà, j'avais peur de m'enfermer dans quelque chose. Au lieu de ça, la culture, puisqu'on en parle et qu'on a entendu Gainsbourg à l'instant, moi j'adore la chanson française, j'adore la littérature, surtout française. Je suis très Frenchie dans mes goûts, vous voyez, j'emploie un anglicisme, mais j'aime le cinéma français, j'aime les acteurs français, je suis fière de ce que font nos artistes et nos réalisateurs, et je sais que ce sont des entreprises de vie, quoi. Quand un film se fait, c'est sur 3 ans, quand un livre s'écrit, c'est à la sueur. Enfin, tout ça est beau et fait aussi vivre la société. Et donc, j'avais envie d'être peut-être dans quelque chose qui est moins essentiel que la politique, que la manière d'expliquer notre monde et de le diriger, mais quelque chose qui nous émeut, qui nous touche, voilà, parce que je suis peut-être quelqu'un d'un peu trop sensible, mais ça m'intéresse. Donc j'ai choisi cette voie-là et je l'ai explorée pas suffisamment à mon goût, mais un peu à ce moment-là. Donc en matinale avec Marc-Olivier Fogel, je le disais, et ensuite avec la co-présentation de la tranche 18-20h au titre de remplaçante de Marie Drucker. Oui, alors ça a été un bel honneur parce que Marie est arrivée, on s'est connu assez vite et Marie gentiment a dit à la rédaction et la direction de la rédaction à ce moment-là, voilà, si vous cherchez une femme, moi il y a une petite nana à la rédaction, je l'ai entendue faire les journaux, je pense qu'elle serait capable, ce serait bien de lui donner la possibilité de le faire et j'étais pas très vieille, hein. J'avais peut-être 28 ans, quoi. Enfin, ça faisait 3 ans que j'étais dans la maison et voilà, elle l'a soufflé, Marie. Et Michel Drucker ensuite m'a repéré à ce moment-là d'ailleurs pour faire son émission à ses côtés. Et donc je me souviens, j'étais dans une salle obscure, mais au cinéma pour voir le film de Michel Houellebecq. On était 2 spectateurs, c'était une catastrophe. Et je reçois un message de la rédaction disant. Tu as été nommé hier Joker de Marie Drucker et Marie a perdu sa voix il y a 1 heure. Donc si tu peux venir à la rédaction, tu laisses tout en plan et tu arrives. Et je me suis retrouvée comme toujours, en ailleurs propulsé, mais 3 heures avant le direct et là on y va. Voilà. Alors et ça justement, ce côté adrénaline de la radio, vous le gérez comment ? Bien sur le tard, on dit, on n'a pas trop le choix. Alors, cela dit, c'est ça qui est très excitant. Mon premier remplacement en matinale, c'était pareil. Je remplaçais Raphaël Shapira, je me souviens, une jeune journaliste qui est maintenant à France 2, qui était très douée, qui était enceinte et qui a eu des contractions la nuit. Et on m'a appelé à 4h30 du matin en disant « Raphaël ne peut pas faire le journal de 5h30 ». Donc j'étais à Nation, j'étais à 20 minutes en taxi de la rédaction et j'ai pris le taxi, je suis allée et j'ai fait le truc, voilà. Alors quand dans ces cas-là, on se souvient toujours de ces premières prises de risque à l'antenne, même si le risque c'est pas nous qui l'avons décrété et on le fait et il y a des petits miracles, mais ça marche. Donc voilà, je me suis dit si je suis capable de le faire dans ces conditions, en arrivant tranquillement et en préparant mon journal, ça devrait aller aussi. Donc vous avez les nerfs solides. Oui, et un ulcère aussi, mais à part ça, je ne bien. Se voit pas. Non, c'est ça l'avantage. Donc ensuite, dans la saison 2009-2010, vous passez un autre membre de la famille Drucker, voilà. Michel Drucker, toujours sur Europe 1, bien sûr. C'est comment de travailler avec Michel Drucker ? Alors c'est très très intéressant et très formateur. D'abord parce que Michel connaît tout le monde. Il est très paternel dans sa manière de voir les choses. Donc il prend sous son aile. Moi il s'est dit cette petite nana de la rédaction, Marie me l'a recommandée. Je pense qu'elle peut faire quelque chose. J'étais censée être à côté de lui, la journaliste. Donc un peu la rigueur, c'est-à-dire que lui nous recevions 2 artistes par jour avec tout le boulot qu'il avait plus sa télé, etc. Il était impossible pour lui de lire les livres, d'aller voir tous les films, etc. Donc moi ce boulot-là je le faisais et avec beaucoup d'appétit, évidemment. Donc, il se retournait vers moi dès qu'il y avait une question un peu plus précise sur un film, sur un album. Bon. Et ça fonctionnait bien, le duo était complémentaire. Et il m'a appris surtout à sortir des rails un peu journalistiques, académiques, classiques, qu'on peut apprendre dans les écoles de journalisme, puisque c'est ça un peu l'écueil, c'est que nous sommes un peu formatés, puisqu'on veut faire de nous parfois des bons petits soldats et qu'il faut surtout essayer de mettre sa personnalité à l'épreuve, de s'épanouir. Et lui m'a appris ça, m'a appris à être journaliste, mais à donner de soi, à aller vers l'autre, à être plus dans l'animation, dans la chaleur, dans ce qu'on peut faire dans une émission comme ça, où on met en relation les uns et les autres. Et 1 an avec lui, ça a été d'abord 450 invités, artistes, et puis voilà, et que je connais toujours aujourd'hui, parce que quand on a l'estampille Drucker, c'est pour longtemps, je crois. Et c'était très positif pour moi. Oui, c'est un bon point sur le CV. Oui, et puis c'est devenu un ami, surtout qu'il me suit. Alors, on se voit très peu, mais on s'écrit souvent. Et puis, voilà, il suit ma carrière de loin comme un sage, un chef de tribu. C'est votre papa radiophonique. Ouais, exactement. Alors, est-ce que c'est au même moment que vous commencez plus ou moins la télévision, hein, finalement, vraiment en tant que journaliste, une coprésentation avec Michel Field? Oh non, c'était des chroniques, mais qui étaient intéressantes pour moi, des chroniques cinéma. Donc là, j'étais dans un domaine que j'affectionnais, c'était la culture, et surtout cette chronique, c'était intéressant pour moi parce que j'allais à peu près voir 5 films par semaine et je ne faisais pas de critique négative puisque je n'étais pas critique et je prétendais pas l'être. Simplement, je faisais une sélection pour les goûts de chacun, pour essayer d'être le plus éclectique, et je promenais mes 3 coups de cœur et en parlant pendant 1 minute 10 de chaque film. C'est un exercice un peu dur, surtout que c'était mes premiers pas à la télé, que l'émission passait à 1h30 du matin, que Michel Field, à peine j'avais ouvert la bouche, me faisait un signe pour pas que je sois trop longue. Donc je dis ok, ça faisait beaucoup, mais là aussi c'était très formateur, et cette aventure a duré 2 ans, et c'est pas ça qui m'a fait faire repérer par les patrons d'M6, mais ça a été une confiance de la part des producteurs qui se sont dit bah voilà, cette petite elle fait Europe 1, mais elle est capable aussi peut-être de faire autre chose. Donc je souligne que c'est la responsabilité d'Anne Barrère qui est une productrice et qui m'a fait confiance. Voilà, une femme qui a fait confiance à une jeune femme. Alors on va parler de la télévision après votre deuxième pause musicale. Vous avez choisi Véronique Sanson, mais laquelle? J'ai choisi une chanson qu'on ne connaît pas très bien qui s'appelle Toi et moi. Elle la raconte dans son concert vers une extension que j'ai vue récemment et qui est une femme que j'adore aussi, une autre blonde, hein, décidément je suis pas obsédée par les blondes, mais c'est comme ça, un petit bout de femme que j'adore, qui a une énergie folle et qui est une grande poétesse et une grande musicienne, et elle raconte qu'elle a composé cette chanson pour son amoureux de l'époque dans une chambre d'hôtel, et elle s'est mise au piano et elle a regardé le ciel et elle a vu la même lune. Thank you. Toi et moi dans la mécanique des ondes, c'est le deuxième choix de Wendy Bouchard. Wendy Bouchard qu'on a laissé mais qui est toujours à Europe 1, je vous le rassure. Je pense qu'elle a fait presque toutes les tranches finalement. Vous avez aussi, à part quelques journaux donc, que vous avez fait en matinale, mais finalement le matin, vous n'avez pas fait tant que ça. Ah, mais c'est pas impossible que l'avenir se révèle différemment. Je m'arrêtais pas à ce que vous me posiez la question, mais voilà, les choses se poursuivent. La rentrée, c'est bientôt. On en parlera, Cécile. D'accord, très bien, Wendy. Moi, j'ai la première à laquelle j'en parle. En tout cas. Ce sera diffusé le 4 août. Mais vous serez la première quand même, je pense. D'accord. C'est en 2012 que vous arrivez à la télévision, Wendy Bouchard. J'ai envie de vous parler justement dans l'introduction. Je vous présente comme une journaliste multimédia. Mm-hmm. C'est vrai que en 2012, on vous demande donc de remplacer Mélissa Thoriot à Zone Interdite. Comment vous arrivez dans ce milieu télévisuel que vous connaissez déjà un petit peu, mais on vous propose quelque chose à M6 quand même. Oui, et pas très loin d'ici, les deux patrons, directeur des programmes, directeur de l'information d'M6, me donnent rendez-vous dans un café pour m'exposer les faits. La collaboration avec Mélissa Thoriot a duré 7 ans, Mélissa veut faire autre chose et il me parle de Zone Interdite, qui est évidemment un magazine qui résonne en moi puisque je regarde peu la télé, mais le dimanche soir ce sont des marques phares et des vaisseaux amiraux. Et il me propose ça au mois d'avril, peut-être. Après, je n'ai plus aucune nouvelle jusqu'au mois de juillet. Je pars en vacances avec ma petite sœur et on se prend quelques jours en Sardaigne. Et je suis en Sardaigne sur une plage et là, on m'appelle à M6 en disant « Est-ce que vous pouvez être là demain matin à M6 ?» Et donc j'ai dit bah oui, alors j'ai planté ma petite sœur sur la plage de Sardaigne qui a terminé ses vacances toute seule, la pauvre. Je suis passée par Venise et je suis arrivée à la hâte à quelques secondes du moment où elle m'avait donné rendez-vous pour signer ce contrat et ça s'est fait comme ça, un peu de manière fulgurante. Alors j'y croyais plus et puis finalement l'histoire encore une fois m'a rattrapée. C'est drôle parce que ses patrons encore une fois ont entendu ce que je faisais sur Europe 1, c'était au moment où je faisais le week-end, on faisait le débat des grandes voix, qui était un débat politique, et puis les journaux de la mi-journée. Donc bon, j'avais montré que je pouvais faire des petites choses en culture, mais c'était différents formats qui les captaient à ce moment-là, qui captaient leur attention. Et voilà, ils se sont dit, vous êtes en sécurité quelque part dans ce vaisseau de Zone Interdite, parce que la marque existe depuis 20 ans, mais on a besoin avec vous de la bouger un peu, parce que ça fait 20 ans justement, et qu'il faut repartir pour une décennie avec une envie de modernité, un peu d'autres reliefs. On compte sur vous, vous êtes assez jeune, vous êtes journaliste, vous pouvez apporter une patte différente que celle de Mélissa, qui a fait très bien son job, mais dans la continuité. Et voilà, et ça fait, j'ai signé là, il y a quelques jours, pour la 4e saison, et ça me fait très plaisir, parce que la première année, on est parti sur les rails, la seconde année, on s'est cherché un peu, la 3e année, on a bien réorienté, et cette 4e saison, pour moi, c'était un peu celle de l'épanouissement. Voilà, j'ai commencé à trouver vraiment le style que je voulais insuffler dans ce magazine. C'est important, avec plus d'extérieur, plus d'informations, des personnages auxquels on s'identifie, qu'on suit aussi plus largement dans les enquêtes. On avait tendance un petit peu à perdre ça. Et voilà, et je vous résume l'aventure de 4 ans en quelques minutes, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est passé très très vite et qu'il a fallu quand même ce temps-là pour que je m'approprie ce magazine. Vous êtes quand même un autre personnage à la télévision, vous êtes quand même beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus incisive lorsque vous présentez les reportages. Comment vous travaillez votre image télévisuelle? Est-ce que vous transmettez finalement à la télé? Je travaille pas ça justement et j'aimerais peut-être être plus moi-même à la télévision. Le problème c'est que c'est pas mon média, c'est un média très compliqué. Je me souviens que la première antenne que j'ai faite pour Zone Interdite, c'est Dorothée m'a appelée, l'animatrice Dorothée. Que je connaissais un petit peu par ailleurs, mais très peu, et elle m'a dit, bah voilà, j'ai vu ta première, c'était bien, c'était propre, mais Wendy, il faut que tu sois toi, il faut que t'aies les yeux qui pétillent, il faut que tu souris, tu rentres dans la vie des gens, la télé, c'est un peu aussi le miroir du cœur, donc n'aie pas peur, quoi. C'est la première, c'est normal. Bon, Dorothée me parle de ça, elle avait fait 15 ans d'émission en direct quasiment tous les jours et des heures d'antenne. Mais elle était elle-même. Et j'ai pris ça comme un signe et un encourageant, mais aussi une critique, mais que j'essaie de m'appliquer. C'est-à-dire, même sur quelques minutes d'antenne, il faut être soi-même. Et je sais pas encore le faire ça, parce que c'est un apprentissage. D'abord parce que c'est une bimensuelle, c'est pas une quotidienne. Et puis parce qu'à la radio, c'est qu'est-ce que vous voulez? C'est votre élément, c'est mon élément, c'est notre immersion, c'est naturel. La télé, c'est pas un média très naturel. Pour Drucker, c'est un média naturel parce qu'il vit avec, parce que le micro, il l'oublie, il peut faire à la télé assis, allongé, sur le dos, comme il veut, quoi. Moi, c'est un apprentissage. Donc, j'aimerais ne pas être si sérieuse, ça dépend des sujets. J'essaie de travailler sans prompteur parce que je déteste ça, sans oreillette parce que je déteste ça, à l'ancienne. Et ça va venir, je vous promets que ça va venir, que je serai plus cool, plus zen, plus moi peut-être. À part ça, donc Wendy Bouchard, vous présentez tous les jours Europe 1 Midi. Oui. Hein, donc effectivement, beaucoup d'invités, puis beaucoup d'auditeurs également qui interviennent à l'antenne. Alors, est-ce que justement cette interactivité avec les auditeurs, vous l'avez apprise ? Comment vous la vivez au quotidien ? Bah, ça me plaît. En tout cas, ça c'est très enrichissant. Je l'ai apprise, oui, parce que je l'avais très peu fait. C'était aussi le concept de cette émission, d'être dans un échange à cette heure de convivialité où on peut laisser à la fois la parole aux gens pour témoigner, mais ça se fait sur RTL par exemple, mais aussi leur laisser la possibilité de questionner, parce que nous comme journalistes on pose souvent des questions en brûlant des étapes et on considère parfois chez l'auditeur que des choses sont acquises, alors qu'il y a des questions très pertinentes, peut-être un peu plus naïves, mais très pertinentes qu'on ne pose plus ou qu'on évite de poser, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on s'est dit que dans ce studio, j'ai un grand studio. En plus avec du public. Avec du public, j'ai une quarantaine de personnes autour de moi, c'est réalisé, il y a un réalisateur aussi pour l'image, parce qu'on a 7 caméras. On est dans un espace intime, mais à la fois partageur. Et j'ai appris au fur et à mesure, ce sont mes premiers auditeurs, les gens qui sont autour de moi. Voilà, au lieu de penser à ma grand-mère ou à mes parents qui m'écoutent, bah, je les vois réagir tout de suite, là, en chair et en os. Je leur donne le micro si je les sens réagir et je me dis, bon, c'est sympa, ça donne aussi... c'était une prise de risque, mais on a eu quand même le prix de la meilleure émission radio l'année dernière, donc ça m'a fait plaisir parce que c'était pas donné. On a écrit un peu c'était une page blanche, cette émission. Et ça me fait plaisir, ça fait 2 ans que je porte cette aventure et la place de l'auditeur, il faut la doser surtout, parce que l'auditeur ne doit pas devenir bien sûr le journaliste, mais il est celui qui reçoit l'information, donc s'il a peine à la comprendre ou s'il y a encore des questions en suspension, il peut s'autoriser à les poser. C'est ça qu'on a voulu faire en tout cas. L'invitée précédente, Fabienne Sintès, qui est animatrice de la matinale de France Info, vous pose une question, Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Alors, chère Wendy, on va se tutoyer évidemment parce qu'on se connaît un peu, ça fait 100 ans qu'on s'est pas vu. J'espère que tu te souviens que je t'ai donné des cours au CFJ il y a à peu près, voilà. Et donc, j'imagine que dans ta grande reconnaissance, tu penses que tout ça est un peu grâce à moi. Il paraît, alors il va falloir que tu contredises ça immédiatement, il paraît que j'étais très méchante avec vous, et je ne veux pas le croire, je n'ai absolument pas de souvenir de ça, de cette méchanceté, donc s'il te plaît rassure-moi et dis-moi que j'ai été formidable et que c'est moi qui t'ai donné, pas vrai, le goût de la radio. Je t'embrasse. Mais allez, j'adore Fabienne et elle a tellement raison parce que j'ai pas beaucoup de modèles parce que on se construit pas forcément avec des modèles, mais Fabienne c'est une fille géniale qui a une voix particulière. Je suis tellement heureuse qu'elle fasse la matinale de France Info, qu'elle fait très très bien. Elle était géniale comme correspondante aussi aux États-Unis pour la même radio. Fabienne c'est tellement drôle aussi parce que lorsqu'elle nous donnait les cours au CFJ, c'était en pleine session de Nouvelle Star, mais les toutes premières éditions de Nouvelle Star, et moi j'étais amoureuse de Dovatia, enfin pour de rire hein, évidemment, mais avec les copines on se disait mais Dov, ouais, il est polytechnicien, il est aussi jury de la Nouvelle Star et cet homme est formidable, et on se marrait, voilà, c'était des bêtises, et Fabienne était à fond sur la Nouvelle Star et elle soutenait aussi les candidats, et donc après les grosses sessions de journalisme au CFJ on se détendait un petit peu en écoutant de la musique, et bien sûr que non, elle n'était pas autoritaire, elle était juste rigoureuse parce qu'elle a une grosse voix, donc il fait autorité, mais et elle a raison de dire que sont des gens comme elle et des femmes quand même qui m'ont donné aussi envie de faire de la radio parce qu'elle fait de la radio comme elle est, comme elle parle, comme elle vit, et c'est ça aussi la vie simple d'un média simple et en même temps exigeant. Donc merci Fabienne, et moi aussi je t'embrasse très fort. J'espère qu'elle écoutera cette émission a posteriori. Je lui enverrai votre réponse Wendy. Alors justement, vous parlez de concurrence, j'aimerais savoir si vous écoutez les autres radios, vous réécoutez en replay un petit peu ce qui se fait Alors j'écoute pas en replay, mais j'écoute en live le matin, j'écoute Europe 1 bien sûr, mais j'écoute aussi ce que fait Léa Salamé pour parler d'une autre femme sur France Inter, j'écoute un petit peu France Info et Fabienne notamment le matin et RTL aussi. J'ai les critères d'interview un peu fortes, économiques, politiques. Les éditos de François Langlais, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup Calvi aussi. Donc, c'est peut-être une compétition, mais nous sommes aussi complémentaires et des médias qui s'assument et qui avons chacune des personnalités. J'écoute pas mal aussi la radio le week-end quand je m'autorise des petites déambulations à cheval, etc. Et là, c'est des best-of sur Europe 1 et d'Hanouna, ce qui me font rire, et de Ruquier aussi qui est parti, mais qui me fait beaucoup rire sur RTL. Donc voilà, ce sont des petits moments picorés, mais non jamais en replay, parce que là, pour le coup, j'ai pas trop le temps, je passe à autre chose. Alors, on passe au questionnaire rapide. Bon, malheureusement, cette première question, vous y avez déjà répondu, mais c'est quand même une question spéciale sur cette série d'été. Une femme de radio qui pourrait être votre modèle? Bah, alors je vais en donner une autre. C'est Catherine Ney que j'aime beaucoup. Catherine parce que ça fait 40 ans qu'elle est à Europe 1. Elle me dit tout ça, mon chaton, le plus important dans ce métier, c'est durer, hein, c'est tout. Tu sais, les patrons ils passent, puis nous on dure, hein. Donc bon, et donc j'adore sa notion de la du cours des choses, voilà. Après tout, quand on est une femme, il faut qu'on s'impose pour ses qualités, et puis que passent les directions, les directeurs, tatata. Il faut être là, il faut être droit dans ses bottes et y aller. Donc j'aime aussi sa philosophie, et puis c'est une grande dame, hein, qui a beaucoup écrit dans l'Express, et qui a été aussi biberonnée par Françoise Giroud, une autre grande dame, donc j'aime beaucoup. Alors je rebondis à ce que vous dites, est-ce que justement dans les médias, être une femme, est-ce que c'est s'imposer deux fois plus qu'un homme? Oui, mais avec finesse, quoi. Et enfin, moi, j'aime pas les femmes qui s'imposent comme des brutes, parce qu'il y en a aussi dans notre métier. Moi, je suis pas quelqu'un qui me bat, donc quand il y a des épreuves, j'ai plutôt tendance à m'incliner ou alors à partir ailleurs. Donc, il faut, je pense, mais comme toutes les femmes dans la société, s'imposer par ce qu'on est et pas parce qu'on est une femme. Moi, je trouve que voilà, l'idée féministe en soi est un peu, elle était très exigeante à une époque. Elle est aujourd'hui un peu galvaudée, on va dire. Alors, je reprends le questionnaire rapide. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Alors, c'est Europe 1 que j'aurais voulu écouter plus tôt, mais merci à mes parents de m'avoir donné ce souvenir, parce qu'ils ont permis de rattraper mon retard radiophonique. Quelle radio vous réveille le matin? Europe 1, 6h57. Quelle radio vous endort le soir? Alors, en fait, elle va pas être contente, mais Caroline Dublanche, je l'écoute tous les soirs une seconde, parce que je règle mon réveil avec la radio, et donc je vérifie juste que je suis bien sur Europe 1, et j'entends un mot et j'éteins. Voilà, donc je suis désolée Caroline, parce que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je ne l'écoute qu'une ou deux secondes chaque soir. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Dans ma salle de bain. Dans ma salle de bain, oui. Ok, un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Dans ma chambre. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? Ma première rencontre avec Gérard Depardieu, dont je pensais qu'il n'arriverait pas à l'heure, mais il est arrivé pile à l'heure, et parce que c'est un homme que j'admire beaucoup, qui est un parfait autodidacte et qui est tellement plein de culture et d'émotions que ça m'a marqué et ça me marque encore. Voilà. Oui. Le pire souvenir, ou en tout cas un très mauvais? Un très mauvais, c'est une récente altercation, on va dire, avec un homme politique qui a été très goujat, qui m'a insulté à la sortie de l'émission, je pense par pure misogynie qui était extrêmement macho, et ça m'a beaucoup blessée. Il s'est excusé, mais il a été interdit d'antenne pendant un mois et demi sur Europe 1. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Dès maintenant, quel que soit votre âge, cultivez la curiosité de tout, de toutes les disciplines, en ayant quand même un petit cœur de métier, une spécialité que vous pourriez un jour dérouler ou qui pourrait vous rattraper, de l'exigence surtout, et puis n'oubliez pas de parler aux auditeurs, voilà, pas parler au patron, mais de parler aux auditeurs. Merci beaucoup Wendy Bouchard pour ce deuxième épisode. Et ben merci beaucoup de m'avoir accueillie au cœur de l'été, c'était un très bon moment. Alors vous, cet été, on va peut-être vous retrouver à cheval finalement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous êtes passionnée d'équitation. C'est sûr. Alors là, je reviens du festival de Ramatuelle, que j'ai suivi pour Europe 1 et qui est un lieu que j'adore, et avec Michel Bougelat et Jacqueline Franjou, qui sont des êtres exquis, et le festival se prolonge, donc il est encore temps de prendre des places, si vous voulez. C'est magnifique, c'est au cœur de la Provence et dans le Var, à quelques kilomètres de Saint-Tropez, festival de théâtre et variété. Puis ensuite, oui, je vais retrouver mes chevaux, mes animaux, ma petite ferme, et voilà. Et là, je divague. C'est une bonne soupape de décompression. Bah, c'est fondamental, oui. Merci beaucoup, Wendy Bouchard. Merci, Cécile, à bientôt.